Oh, la douleur du réveil matin. Être arraché du monde des rêves dans le seul et unique but de répéter jour après jour les mêmes tâches ingrates. La perspective de passer la journée coincée entre quatre murs avec l'occasionnelle sortie dans la cour me remplissait d'ores et déjà d'ennui. Heureusement, l'univers sait faire passer la pilule, car qui dit réveil, dit café. Enfin, dans mon cas, ricoré. Coucou mon grand, les tartines sont sur la table. Merci maman. Tu as bien dormi ? J'ai dormi, c'est ce qui compte le plus. J'ai fait un rêve. Je m'en souviens plus réellement, mais il m'a laissé une sensation pour le moins étrange. Comme si mon cœur attendait quelque chose ou quelqu'un. Tout ce que j'arrive à percevoir, c'est une silhouette au loin qui m'invite à la rejoindre. Mais la peur de l'inconnu m'empêche de profiter de cette opportunité et de me lancer à la poursuite de ce qui pourrait se révéler être mon bonheur. Mets tes chaussures, mon chéri. C'est l'heure d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est le meeting mensuel au travail. Alors, tu vas rester à la garderie le soir. D'accord ? Ok. Est-ce que tu m'as préparé un goûter ? Oui, je t'ai mis des pépitos et une brique de jus d'orange. Parfait. Merci, maman. À ce soir, mon ange. Espérons-le. Ah, Théo, avant d'aller en classe, tu peux aller m'attendre dans mon bureau, s'il te plaît ? Monsieur Radio, le boss ici. Ou en tout cas, c'est ce que son titre de directeur laissait supposer. Pas vraiment le meilleur pour maintenir l'ordre dans toute la cour, mais les adultes suivaient ses directives alors. Je suppose que je pouvais bien lui accorder quelques minutes de mon précieux temps. Oui, monsieur Radio. Ça devait faire entre 5 minutes et une heure que j'attendais l'arrivée du directeur dans son bureau. C'était clairement sa façon à lui de me rappeler qui est censé être le boss dans cette école. Me laisser ici à attendre, sachant que je ne pouvais pas partir sans recevoir ma punition, ou pire, un mot dans mon carnet de correspondance. Bien joué, Radio. Bien joué. Et me voilà coincé, ici, à regarder le plafond en l'attendant. Le plafond, blanc, vide. Comme mon âme. Bien, merci d'avoir attendu. Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas, directeur ? Ça vous dérange si je fume ? Non, on avait dit que les cigarettes en chocolat étaient bannies dans l'école, hein ? Certainement. Bien. On voudrait éviter les sugar rush, pas vrai ? Je comprends. Des enfants de 5 à 11 ans avec trop d'énergie, c'est pas l'idéal. Alors, pourquoi vous vouliez me voir, Robert ? Ah non, pas du tout. Les élèves, comme toi, doivent m'appeler Monsieur Radio. Certainement, mais on sait très bien, vous et moi, que je ne suis pas vraiment votre élève typique, n'est-ce pas ? Je suis l'électron libre de la cour de récré. Bon, écoute-moi, Théo. Je sais ce que tu as fait la semaine dernière. Va falloir être un petit peu plus précis que ça, directeur. J'ai fait beaucoup de choses la semaine dernière. Vous connaissez les règles. Si les manteaux traînent par terre dans le préau, je les confisque. Et pourtant, quelqu'un est venu dans mon bureau pour récupérer ceux de Mesdemoiselles Fraisier et Morales. Ça vous dit quelque chose ? Ah, ça. Je ne vais pas nier, c'est bien moi. Mais elles avaient froid. Et je n'allais pas les laisser sans défense face à l'impitoyable temps d'automne, monsieur Radio. Non. Tu dois arrêter ce comportement immédiatement, Théo. Hein ? Tu adresses la parole de manière trop familière aux adultes. Je suis un adulte. Hein ? Et tu incites clairement les élèves à la dissidence. Tu connais ce mot ? Dissidence ? Écoutez, Robert, je les incite simplement à penser par eux-mêmes. Si ça mène à la dissidence, peut-être que ce sont vos règles qui devraient être revues, non ? Bon, l'école n'est pas l'endroit pour ce genre de choses, hein ? Et si ça continue, je vais devoir convoquer ta maman. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Il savait exactement où taper pour me tenir en laisse le plus possible. Après tout, qu'est-ce qui m'importait le plus ? Aider mes camarades ou le bonheur de ma tendre mère ? Capiche, monsieur Radio. Merci, Théo. Bon, allez, tu peux aller en classe maintenant. Dépêche-toi. Oh, et si jamais vous avez besoin de mes services, vous savez où me trouver. La récréation. Le moment de la journée qui était tout sauf récréatif. Les sportifs jouaient au foot, les nerds jouaient à Pokémon, certains même jouaient à la marelle. Oh, comme je me languissais de la possibilité d'aller jusqu'au ciel moi-même, un jour peut-être. Mais ce n'était pas le moment. J'avais mon coin où je restais, et j'attendais mes clients. On a reçu un paquet de carambars de la part de Pauline et Maud. Ah super, ça doit être pour leur manteau. Ma chère Estelle, si précieuse. J'étais heureux de l'avoir à mes côtés pour gérer cette petite entreprise. Plus qu'une assistante, une véritable amie. Une denrée rare dans le monde cruel de la récréation. J'ai tout mis dans la boîte. Tu peux en manger un si tu veux. Hein. Je me contenterai de lire la blague. Merci. Quel est le comble ? Quel est le comble pour un joueur de bowling ? Je sais pas. De perdre la boule. Ok. Incroyable coïncidence que cette blague me soit parvenue. Après tout, comment ne pas perdre la boule dans un monde pareil ? Hey, attends, si tu veux parler à Théo, il faut que tu toques à la porte d'abord. Ah, ok. Toc, toc, toc. Entrez ! Bonjour. J'ai besoin d'aide. C'est vraiment urgent. J'ai entendu dire que Théo était un expert pour ce genre d'affaires délicates. Il l'est certainement. Tu veux savoir quelle est l'urgence ? J'aimerais garder ça privé entre lui et moi, si ce n'est pas trop demandé. Je suis désolée, mais je dois trier les affaires potentielles avant de les amener à Théo. Pas de soucis, Estelle. Tu peux la laisser venir. Prends un carambar et va jouer, veux-tu ? Je pense qu'elle sera ravie d'avoir un peu d'intimité. Me trompe-je ? Vous m'avez parfaitement cerné, détective. Ok. Carambar ? Non, merci. Qu'est-ce qui vous amène ici, Lauriane ? Tu connais mon nom ? Évidemment. Comment pourrais-je ne pas connaître quelqu'un d'aussi important dans notre cours de récré ? Et puis, nous sommes dans la même classe, vous et moi. Certes. Elle en faisait tourner des têtes, la petite Lauriane. Dans un monde rempli de princes, princesses et chevaliers en tout genre, elle était l'incontestable reine de la cour. La haute, comme la basse. Quand il s'agissait de piailler, on pouvait toujours compter sur elle. Pas méchante pour un sou, mais fallait pas lui chercher des crottes de nez, si vous voyez ce que je veux dire. Que me vaut l'honneur de votre visite, Votre Majesté ? J'étais avec Mélissa et Désirée. Et on discutait, comme d'habitude. De quoi discutiez-vous ? Du travail scolaire ou des garçons ? Ça n'a pas d'importance. Et je n'aime pas ces insinuations. Pardonnez-moi. Après tout, c'est mon métier d'être curieux. D'essayer de cerner tout le monde qui m'entoure. Et cela inclut mes clients. C'est une perte de temps. Je n'ai rien à offrir qui pourrait vous intéresser. À part un mystère. Mon bracelet a disparu. Il me le faut avant la fin de la journée, sinon ma maman... Enfin, bref, il me le faut avant la fin de la journée. Intéressant. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas simplement égaré ? C'est impossible. Je ne m'en sépare jamais, et il ne peut pas tomber de mon bras tout seul. Ce qu'il signifie... Quelqu'un me l'a volé. Des pistes ? Des idées de qui aurait pu faire ça ? Pas réellement. N'importe qui aurait pu le vouloir. Il est précieux. Enfin, peut-être que... Non, non. Ça ne pourrait pas être ça. Peut-être que... Enfin... Peut-être que Mélissa ou Désirée auraient pu... Non. Certainement pas. Je n'écarte aucune hypothèse. Je vais chercher ce bracelet, je le trouverai. Vous avez ma parole. Merci infiniment, détective. Ne me remerciez pas encore. Après tout, peut-être que cette histoire vous brisera plus le cœur que si vous laissiez votre bracelet tomber dans l'oubli. Telle était donc ma mission. Retrouver le bracelet de Sa Majesté Lauriane, perdu ou volé ? Derrière la simplicité de la requête, je ressentais déjà quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Après tout, tout ce qui concerne la royauté même de la cour de récré ne peut être aussi simple que ça en a l'air. Pour commencer, il fallait que j'aille voir la seule personne assez désespérée et désespérante pour suivre les activités de tous les groupes qui composaient ce petit monde. Ouais, j'arrive ! Ah non, ok, non, ouais, pas de soucis, je participerai au prochain tour, c'est pas grave. Je peux continuer à attendre. Je vais juste m'asseoir là si ça vous dérange pas, hein. À qui tu parles ? Ah ! Oh, tu m'as fait peur ! Tu vois pas que je parle à... Là, regarde, pour jouer avec eux. Enfin, là, ils viennent de recommencer une partie, donc je vais attendre qu'ils aient fini pour les rejoindre. Ok. Ratus, j'ai besoin de ton aide. Arrête de m'appeler comme ça ! C'est pas moi qui fais les règles, Charlie. Tiens, pour me faire pardonner. Je croyais qu'elles étaient interdites ici. Je ne fais pas les règles, mais je suis un expert pour les tordre. Le papier se mange ? Tout se mange si tu es assez brave. Regarde Jordan, il a bien mangé un pissoli l'an dernier. Ouais. Bon, pourquoi ça a besoin de mon aide ? Je suis sur une affaire. Ça concerne Lauriane. Elle suspecte que quelqu'un lui a volé son bracelet et j'aimerais remonter ses traces aujourd'hui. Et plutôt que de lui demander, je me suis dit que tu savais sûrement mieux qu'elle ce qu'elle avait fait depuis tout à l'heure. Ah, ok. Est-ce que t'as quelque chose pour moi ? Je viens de t'offrir une cigarette en chocolat. Mais ça, c'était pour t'excuser de m'avoir appelé Ratus. Je devrais pouvoir arranger quelque chose. Je veux jouer au foot. Faut pas exagérer non plus. Le mieux que je puisse faire, c'est jouer au papa et à la maman avec Agathe et Valentine. Mais Valentine est obsédée par les pizzas Sodebo, elle va me faire cuisiner ça et c'est tout. Écoute, si tu veux jouer avec des gens, tu ferais mieux de prendre ce que je t'offre. Ok, ok. Alors ? Alors justement, en parlant d'Agathe et Valentine, je sais que tu es ailleurs pendant la classe. Mais ce matin, Désirée et Lauriane parlaient trop, alors la maîtresse a déplacé Lauriane et l'a mise à côté de Valentine pour le reste de la journée. Oh, intéressant. Lauriane l'a très mal pris, mais elle a aussi discuté un peu avec Valentine et elle a fait passer un mot dans la classe. À destination de Désirée ? Non, de Mélissa. Je n'étais pas trop avancé après cette première récré. Et même en observant mes camarades pendant la classe, je n'avais rien vu de suspect. Enfin, jusqu'à ce que je remarque la fameuse Désirée, l'amie de Lauriane. Elle avait l'air stressée. Non, bouleversée. Des larmes coulant le long de ses joues, trahissant son calme impérieux. Qu'est-ce qui la mettait dans un tel état ? Certainement pas la séparation avec son amie, mais alors quoi ? Oh, je n'allais pas avoir besoin d'attendre très longtemps ma réponse. Théo ! Lauriane ? Que se passe-t-il ? C'est Daisy. Il s'est passé quelque chose de très grave. Vas-y, dis-lui Daisy. En revenant en classe, je me suis assise à ma place et je regardais dans ma trousse et mes babies étaient plus là. Tes babies ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les petits bébés en plastique. Ah oui, je t'ai déjà vu jouer avec en classe. Je joue avec quand j'ai besoin de réfléchir. Si on a un contrôle, je pourrais jamais réussir. S'il te plaît, Théo, retrouve-les. Retrouve mes babies. Je ferai tout ce que je peux. Allez, viens, Daisy. Faut aller manger. Le mystère s'épaississait. Et je me retrouvais maintenant avec encore plus de questions que de réponses. J'avais désormais deux victimes sur les bras, et c'était l'heure de la cantine, alors je devais trouver la table parfaite pour manger et glaner le plus d'informations possible. Hey, je peux m'asseoir ici ? Ouais. Oh merci ! Mais... depuis quand t'es là, toi ? Je suis toujours là. Hey, Jordan ? Quoi ? Je me demandais, c'est comment d'être assis à côté de Mélissa en classe ? C'est ok. Enfin, on écoute la maîtresse, quoi. Même si Mélissa passe beaucoup de temps retournée pour parler avec ses amis, même si elles sont à trois rangs de nous. Et des fois, c'est embêtant. Je dois lui faire passer des mots. Rien que ce matin, elle en a reçu deux. Deux ? Je croyais qu'elle en avait reçu qu'un seul. Ne regarde pas comme ça, je veux pas tout savoir. Non, elle en a eu deux, je sais, parce que c'est moi qui les ai mis à la poubelle. Et il disait quoi, ce mot ? J'en sais rien, je dis pas les trucs de filles. Des fois, j'avais tendance à oublier que tous ces gens autour de moi n'étaient rien de plus que des enfants. Mais en tout cas, j'avais désormais une piste. Ou serait-ce un mystère de plus ? Oh non bébé, maintenant il faut se mettre à table. Alors... j'ai préparé une bonne pizza Sodebo. Sodebo, Sodebo ! J'espère que je vous dérange pas. Oh, regarde bébé, papa est rentré du travail. Mon chéri, mets-toi à table. J'ai préparé des pizzas Sodebo. Ah, super, délicieux. Miam miam, mes pizzas préférées. Papa ! Oui, mon bébé. J'avais juste une question à te poser, mon amour. Mange vite avant que ce soit froid. Oui. Je suis bon. Tant mieux. À partir de maintenant, on mangera ça tous les jours. Ouais ! Et tu étais à côté de Lauriane aujourd'hui. C'était pas trop fatigant de devoir faire passer ses mots pour ses amis? Non, ça va. Elle en a écrit qu'un seul. Oh. Et tu te souviens de ce qu'elle a écrit sur? Enfin, voyons mon chéri. Je suis polie. Je n'ai pas regardé. Ce sont ses affaires et ça ne me regarde pas. Oui, pardon, toutes mes excuses. Est-ce qu'il t'a parlé de quelque chose en particulier? Bof, elle était fâchée contre ses amis. Mais franchement, j'ai pas trop écouté. Une bouchée de pizza Sodebo pour maman. Une bouchée de pizza Sodebo pour papa. Ok, merci pour tout. Je dois malheureusement retourner au travail, mais vous pouvez me remplacer par Ratus. Vas-y Ratus, tu peux venir jouer. Oh merci. Comment t'as su que j'étais là? Tu es toujours là. J'avais donc bien un double mystère face à moi. Quelque chose me disait que ces deux mystères se rejoignaient quelque part. Il fallait absolument que je trouve ces mots adressés à Mélissa. Estelle ! Théo ! Je vais avoir besoin de toi, Estelle. Je dois m'infiltrer dans la classe pour fouiller la poubelle. Mais pour ça... Pour fouiller quoi ? La poubelle. Il y a sûrement des indices dedans. Mais c'est pas propre ! Je me laverai les mains. Mais je ne peux pas aller dans la classe, parce qu'il y a une maîtresse devant la porte du couloir. Ah, d'accord. Pas de soucis, je suis la reine de la distraction. Merci Estelle, t'es la meilleure. Maîtresse ! Okay. Et la navigation marche. Allez, on y va. Vite, vite, vite, vite, vite. Vite, vite, vite, vite. Ça doit être ici. Mais... Ils sont où ? Y a pas de mots ! Oh oh. Monsieur Radio, j'ai fait tomber mes médicaments dans la poubelle. Ah non, mais si tu veux passer du temps en classe plutôt que pendant la récré, mon petit Théo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu pourras passer la fin de cette récré et la prochaine avec moi dans mon bureau. Mais monsieur, je dois... Tu dois respecter les règles, c'est tout. Maintenant, suis-moi. Allez. J'étais si près du but. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais en même temps, pourquoi les mots n'étaient-ils pas dans la poubelle, alors que ces dernières ne sont vidées que les soirs par les lutins scolaires qui nettoient l'école après cours? Je n'avais déjà pas beaucoup de temps pour retrouver le bracelet de Lauriane, et maintenant j'allais être retenu au bureau du Dirlo pendant les prochaines récrés. Comment allais-je faire pour finir cette enquête? Assieds-toi à côté de Xavier, là. Mais pas de chahut, hein. Attends, Xavier ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Estelle m'avait envoyé pour te dire d'aller la voir, mais Monsieur Radio m'a vu dans les couloirs et m'a puni. Me dis pas que c'est toi qui lui as dit où j'étais. Je vais pas le dire, alors. Est-ce que tu sais pourquoi Estelle t'a envoyé ? Elle a vu. Vous voulez pas copier des lignes, non ? Bon, alors, silence. Elle a vu quoi ? Chut, tu sauras après. Après. C'était si simple à dire pour lui. Finalement, que sommes-nous face au temps? L'inexorabilité de son passage nous maintient constamment en haleine et nous exhorte à agir, tant et si bien qu'on se retrouve souvent à foncer tête baissée droit au mur. Hey, tu saignes du nez! Zut! Oups, désolé. Oh non, bah attends, tiens. Prends mes mouchoirs. Je m'en souviens utiliser, attends. Là! Merci. Ah non! Va rasser ta figure aux toilettes, là tu vas en mettre partout sur le bureau. Oui, merci. Des fois, le hasard faisait bien les choses, n'est-ce pas? Juste quand je commençais à former une théorie, le hasard me donnait une opportunité de la vérifier immédiatement. Et si j'avais raison, l'heure du goûter serait pour le moins intéressante. À demain. Ah, j'adore ce temps. La pluie nous révèle beaucoup sur le monde qui nous entoure. N'est-ce pas, Lauriane? Peut-être. Je ne t'ai pas vue à la dernière récré. J'étais punie chez Radio. Mais Et mon bracelet? C'est en enquêtant là-dessus que j'ai été puni. Il me le faut absolument avant que ma maman arrive. Je comprends bien. Une tâche pour le moins difficile, mais pas impossible. J'allais moi aussi prendre mon goûter, mais le goûter attendra. Oui, c'est très urgent. Ah non, j'ai déjà résolu l'enquête. Je sais où est le bracelet, où sont les babies de Désiré, et pourquoi ils avaient été volés. Oh, merci. Où est-il? Oh, pas si vite, enfin. J'ai juste une petite question à poser. Quelle question? C'est difficile, pas vrai, d'être la reine de l'école. N'avoir que deux amis et en même temps savoir que ces deux amis seront toujours un niveau en dessous de soi. Comment maintenir ces relations et surtout, comment éviter que ces deux personnes plutôt égales ne se disent jamais qu'elles devraient être meilleures amies seules plutôt qu'avec quelqu'un qui leur est tant supérieur? N'importe quoi. Quand on est dans une telle position, on prend l'habitude d'être en contrôle et surtout d'être entre les deux autres amis. Mais quand la maîtresse nous déplace, le contrôle est moindre. On observe les faits et gestes des amis, mais sans pouvoir les contrôler. Et quelque chose d'aussi simple qu'un mot envoyé de l'une à l'autre devient source de terreur. Et c'est exactement ce que vous avez vu, n'est-ce pas, Votre Majesté? Mais impossible de savoir ce qui était écrit dans le mot de Désiré, là. Alors autant envoyer son propre mot et demander des comptes à Mélissa, hein? Un rendez-vous dans les toilettes pour discuter de ce qui a été dit à notre insu. Mais Mélissa n'a pas réagi comme prévu, c'est ça? Elle avait désormais une autre chose en tête. Quelque chose que vous deviez voir par vous-même. Alors on fouille dans les poubelles pour retrouver le mot en question, et là... Et là? Lauriane, qu'y a-t-il dans ta trousse? Qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse? Bonne question. Plus rien maintenant. Mais j'avais une certaine suspicion quand je n'ai pas trouvé les deux mots dans la poubelle, comme si quelqu'un voulait effacer les traces. Alors j'ai regardé dans ta trousse à la première occasion venue, et y ai trouvé deux papiers. Un demandant un rendez-vous dans les toilettes à la récré, et un disant « Meilleurs amis ». Oui. Non. Entoure ta réponse. Et la réponse entourée est... Oui. Bing-pot! C'est grâce à ce message que j'ai réussi à connecter les différents éléments de l'enquête. Séparés par la maîtresse à cause de vos bavardages, de manière inattendue, c'est vous, la reine de la cour de la récré, qui êtes changée de place. Et là, depuis le fond de la classe, vous voyez que Désiré et Mélissa se font passer des messages. Vous voyez que le message est jeté à la poubelle, et à l'heure de la récré, vous le récupérez, et vous découvrez avec horreur qu'il s'agit d'une trahison. Vos deux suivantes ont décidé d'être meilleures amies entre elles, plutôt que de chacune être meilleure amie avec vous. À partir de là, tout est clair. Mélissa doit être éliminée. Plantant votre bracelet dans son sac afin de lui faire porter le chapeau, et vous me demandez de résoudre cette enquête. Mais entre-temps, vous vous rendez compte que ce ne serait pas suffisant pour briser l'amitié naissante entre Mélissa et Désiré. Alors dès que vous le pouvez, vous récupérez les babies de Désiré et vous les mettez aussi dans le sac de Mélissa. Et vous faites appel à mes services à nouveau. Et maintenant, qu'allez-vous faire, détective? C'est trop tard. Les filles sont rentrées chez elles. Mon plan n'est plus stoppable. Sauf si... Sauf si quelqu'un avait résolu l'affaire à temps et avait réussi à remettre les babies de Désiré dans son sac pour qu'elle pense qu'ils étaient juste tombés dedans. Étrange, certes, mais pas impossible. Et j'ai aussi ceci. Mon bracelet! Prenez-le. Et maintenant, un conseil de moi à vous. Si vous avez assez d'énergie et de soin à apporter à un plan pour séparer vos amis, vous pouvez consacrer cette même énergie et ce même soin pour entretenir ces amitiés. Théo! Théo! Ta maman est là. Allez. Bonne soirée, Lauriane. Pliez cette joie. Regardez-le. Nouvelle star. Théo! Comment s'est passée ta journée? Oh, mère, comme une journée à l'école. J'ai l'impression d'avoir enseigné plus que je n'ai appris. La douceur de la fin de journée. Être arraché du monde scolaire dans le seul et unique but de manger, jouer et enfin se reposer. Réfléchir à la dernière enquête et comment on l'a brillamment résolue. Malheureusement, à l'heure du coucher, je ne pense qu'à une seule chose. Demain sera une autre journée, débordante d'ennui, coincée entre les quatre murs de la salle de classe. Heureusement, qui dit nouvelle journée, dit café. Enfin, dans mon cas, ricoré. C'était Le Goûter Attendra, une fiction de The Grenadines, écrite et réalisée par Grufkov, avec Destrocan dans le rôle du détective. Le plafond, blanc, vide, comme mon âme. Qu'est-ce que je suis en train de lire, putain ? Tuki, dans les rôles de Lauriane, Estelle, Jordan et Maman. Bonjour, j'ai besoin d'aide, c'est vraiment urgent. François TJP, dans le rôle de Monsieur Radio. Tu connais ce mot ? Dissidence ? Si, il est très très fort, Théo. Il est atypique. Il est HPI. Grufkov, dans le rôle de Ratus. Le papier se mange ? Non, j'ai besoin de faire caca. Lisa, dans le rôle de Valentine. Salut Grufkov, c'est Lisa. Et j'adore les pizzas. Ptolémée, dans le rôle de Désiré. Je sais pas si ça fait assez de pleurs. Et Casten, dans le rôle de Agathe. Oh, pauvre, c'était un overworld. Now you can end this show.